Écourtons l'introduction, écourtons les pompeux cornichons. Non, vous les retrouverez la semaine prochaine. C'est l'heure de le mettre à partir de 18h30 tous les mercredis sur Campus. Ouais, je vais me faire taper en plus. Là, c'est Pyongyang City Rockers qui recommence pour son 414e numéro ce soir. Équipe quasiment au complet, vu qu'il y a en face de moi Henri. Salut. Et puis en face c'est de toi, Stéphane. Bah, comment tu vas? Non, mais en fait, on a de quoi tenir une heure et demie, donc on va peut-être un petit peu rabioter sur le créneau AJD. Après, on verra. Moi ça va. Apparemment, il y a des malades, il y a des disparus, il y a des en voyage, il y a des qu'on sait pas qu'est-ce qu'elles font. En tout cas, moi, je commence par un petit coup de Another, dont j'ai encore oublié d'annoncer les derniers concerts qui avaient lieu à Lille. Le prochain de leurs concerts, et c'est à Saint-Angoël, du côté de Lens. Je non pense. Ouais. Le 29 novembre, vous retrouvez l'adresse et tout ça sur shpunk.org, bien sûr. Et puis, voici Another qui vous parle de l'haleine fétide de votre patron quand il se penche sur votre travail alors que vous êtes en train de suer ou de rien foutre. D'ailleurs, Boss Breathing par Another. Another Band, je sais pas pourquoi ils ont voulu enlever le band alors que c'était rigolo. Another, c'est. Bah oui, oui, oui. voilà. Je sais pas trop. Et le logo, enfin le dessin qui représente le groupe, c'est une nana avec une clope au bec, un truc comme ça, puis qui pleure, il me semble. Et donc c'est puis Anne Osorben. Ah, enfin bon, bref. Mais... Peut-être il y a des gens qui comprenaient pas, j'en sais rien. Ah, bon, bah, Anne Oser, A-2-N-E espace H-O-S-E-R. Youpi. Écoute. Ça coûte moins cher en caractère. Ouais, ouais. Recommandé en concert, rien que pour le coffre et la présence de la chanteuse. Ah. Ouais, bah écoute, moi ce sera du métal pour commencer. Ah ouais, ouais. Mais tu n'en as jamais passé ici. Ah, si, des trucs un petit peu métalliques quand même. Ouais. Mais en effet, il y a bien un genre qu'on n'a pas trop vu, à savoir le black metal. Mais bon, je commence du coup avec du métal parisien et leur Necro Sound of the Street, si on en croit la description Bandcamp de Vorien. Bon alors je connais ce truc depuis la sortie Mal de Ville en 2020, quand j'étais un peu plus dans le métal. C'était du black punk relativement primitif, avec déjà des petites interludes au synthé machine qui puent la solitude parisienne et le béton. Et depuis, ça s'est dilué dans pas mal d'influences et je vais vous donner tous les genres mis par le groupe sur Bandcamp, parce que c'est fourni. Bizarrement assez pertinent malgré la pelleté de trucs. Donc raw black metal, anarcho-punk, black punk, électronique, garage, no wave et new wave, industrial, noise rock, oi, post-punk et enfin outsider music. Et ça c'est tous les mots-clés qu'ils ont mis en bas. Il y a une pelleté de trucs. Ouais. Et puis Paris évidemment. C'est pas un coup ils font un titre oi, un autre coup ils font un titre anarcho-punk et puis un autre coup ils font un titre metal. Tu sens que tout est bien dilué dans tout ça. Et justement, tout cela est dans un EP sorti en novembre 2025, donc récemment, intitulé Mystique Rudimentaire. Bon alors par contre, c'est composé courant 2023 par le chanteur Vorace Temor, joli alias, parce qu'il faut savoir que c'est un duo depuis 2024 environ. Je peux vous dire que ça passera sûrement à Lille en 2026. Vas-y. Voilà. En attendant, la France pue. Donc voici Élan Apatride par Vorien. Ouais, je reconnais bien le genre de truc que tu peux aimer. Rien que pour les cris. Ça va. Avant d'attaquer les annonces de concerts qui viennent, une annonce de concert déjà passée, où je n'étais pas. La semaine dernière, Muddle ont joué pour leur premier concert au CCL. Tu y étais, c'était bien? Ouais, franchement. Ouais. Bonne prestance scénique de la chanteuse. En tout cas, même le reste, c'était vraiment cool. Ouais. Et puis donc, faudra que je les voie une belle autre fois. Peut-être au CCL, peut-être ailleurs. En tout cas, voici Muddle, M-U-D-D-L-E. J'ai un problème, j'ai essayé de trouver ce que ça pouvait bien vouloir dire. Peut-être un truc de jargon de skateboard, j'en sais rien, moi. Ok, je ne sais pas déjà, du tout. Déjà, si je dis skateboard, je suis vraiment complètement vide. J'ai arrêté de me vendre. Voici donc Muddle avec un premier titre que j'ai pu trouver, je ne sais plus où. En tout cas, je l'ai piraté comme un vieux saligo que je suis. Muddle avec Skate, nouveau groupe lillois qui promet. La relève lilloise qui s'annonce et qui est fort bien. Et ouais, on part en Caroline du Sud du coup pour aller aux USA pour aller écouter Xiphoid qui ont sorti leur premier EP en juin 2025 intitulé Why People Suffers. Le groupe revendique jouer A Speed Noise Assault for Anarchy and Violence. Oui, c'est encore inspiré des Japonais. Ça. Oui, Speed Noise Hardcore Rags évidemment. Donc c'est très fortement inspiré de la scène crasher japonaise. Leur dernier single, paru en septembre, comporte même une version damage mix des deux pistes, tout comme l'EP Isolation de Xianos. Si vous voyez ce truc, c'est assez pépite, c'est les mêmes morceaux avec une encore plus raw. Mais je dois avouer préférer leur première sortie, donc on va parler de ça. Ça a un côté mi-tempo, en plus d'être influencé par Xianos, Diclone et Gloom, le triptyque des rêves crashers, Jap. J'aime beaucoup que les breaks soient tellement simples que la batterie mette juste des pêches sur les cymbales. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, du coup j'adore. J'espère que vous apprécierez aussi la plus longue piste de leur EP, 2 minutes 30 s'il vous plaît, Vicious drôle, ouais. Cycle de Xiphoid. Attends, c'est du rock progressif là. Ah bah ça break hein. Xiphoid. We'll be right back. Crowinx, c'est bien. C'est tous ces titres qu'on passe depuis tout à l'heure. Là, il y a beaucoup de basses. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu pour faire chier les grains de que j'entends des fois dire la basse, ça sert à rien. Gna, gna, gna. Oui, bah, c'est ça, oui, d'accord. groupe qui va passer, qui passe ce soir au magasin 4. Si vous avez le temps de courir, rouler à grande vitesse jusqu'à Bruxelles, vous pourrez les voir. Il s'agit d'un groupe de New York qui s'appelle Flacid. Vous pourrez les voir en compagnie de Cry et de Tuesday Violence. Vu leur qu'il y a, ça doit être Tuesday Violence, là, qui est bien aussi. C'est du garage rock à orgue. Cry, c'est du hardcore avec chant féminin. Tuesday Violence aussi. Et Flacid, encore un groupe avec une chanteuse. Donc c'est, je pense que c'est un concert ce soir au M4 où vous allez avoir plus de nanas sur scène que de mecs. C'est quand même un truc pas si courant que ça. C'est vrai. Je dois le dire. Donc c'est une raison pour y aller. Nous on peut pas. Donc on pourra se rabattre pour voir Flacid sur le Pits, vu que ils y passent lundi en compagnie des Anglais de Manchester, je crois, de Fruit Tones. Eux ils font plutôt du garage punk. Voilà. Voici donc Flacid qui nous parle de ce qui se passe le matin quand on a trop bu la veille au soir. Brain pain et comment faire pour la faire partir. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'elle raconte, mais bref, voici Flacid, Flacyd, si vous cherchez sur Bandcamp, etc. Flacid, Brain Pain. T'as raison, c'est un petit côté garage. Bon, je me rends à vos arguments. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais en parler de garage. Bah écoute, moi pour l'instant, c'est Tredora dont on va parler. Donc, un projet qui a commencé en solo par Eva Leblanc, une femme originaire du Venezuela, dont la musique. Et en fait, la musique est plus spécifiquement les paroles de Tredora, donc traite de sa condition en tant que femme trans immigrée au Royaume-Uni. et en, aussi tout simplement en tant que femme trans, enfin, pardon, mais aussi de lutte menée par les peuples mapuches sur le territoire chilien. Cette année, en 2025, le premier album « Un mujer trans sin país » est sorti chez La Vida es un mus. Le projet est devenu un groupe avec un line-up fixe, cette année, avec des membres de Circle None ou Catastrophe. Évidemment, influencé par la scène d'Amérique latine, on peut penser à Los Crudos ou Drop Dead avec une petite touche Kaosuke, sos I am being victimized. Ça va. C'est bien. C'est des choses que j'aime. Pour en venir. Le morceau Lio Aliba Quema El Sol, qui je pense fait référence à I Aliba Quemando El Sol, un morceau de musique trad chilienne, écrit par Violeta Parra sur la pauvreté des mineurs et les pillages de ressources en place depuis les débuts de la colonisation. Ce qui suit, ce dont je vais parler juste après, c'est assez chaud. Bon, voilà. Je sais pas comment on dit, les trigger warning, bref. Ouais. Donc aujourd'hui, on pratique l'enlèvement, toujours, des militantes et des militants mapuches, comme ça arrivait à Julia Chunil le 8 novembre 2024. Elle est portée disparue depuis. Un communiqué datant d'octobre 2025 sur l'enquête porte à croire qu'elle a été assassinée par un industriel, J.C. Morstadt. Donc je ne suis pas gêné de vous donner son nom d'ailleurs. C'est la police qui a révélé ça. Bref, ce morceau est donc à la mémoire de Julia Chunil et de toutes les autres Julia Chunil. Rio, Aliba, Quema, El Sol. Traidora. Est-ce que je parle de mon truc de... Ouais, allez. J'ai reçu un paquet par la poste avec des timbres dessus. On est en 2025 et ça existe encore. Il y a encore des gens qui le font, rassurez-vous, ce sont des vieux. C'est d'ailleurs Stéphane, Toulousain depuis des lustres, et qui nous sort qui nous a déjà sorti un certain nombre de numéros de No Country for Old Punk. Et ce dernier numéro qui vient de sortir, c'est un spécial garage. Autant dire que j'y connais rien. Même j'arrive pas à reconnaître le son, donc c'est vous dire. Ce spécial garage, donc on y retrouve quelques... C'est bien parce que c'est fait pour des gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose. Donc après un petit, une petite introduction où ça retrace un petit peu l'historique de la chose entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Suède. Ensuite, il y a toute une série d'interviews de groupes fort connus dans le... Bah, que je connaissais quand même de nom, hein, faut pas rigoler, hein, je connais quand même quelques titres, genre Radio Birdman, les Australiens, The Nomads, Suédois, Fuzztones, Lime Spiders et Destroy All Monsters. Il y en a pour 36 pages format A5, avec une belle couverture en couleur. Sinon, c'est du noir et blanc, mais bien travaillé, avec une belle mise en page, machin. Et puis, les articles, bon, il n'est pas allé interviewer les groupes, surtout que, bon, il y en a quand même un paquet, à mon avis, ils doivent plus trop passer beaucoup. En France, peut-être à Toulouse, j'en sais rien, après tout. Par contre, ouais, donc toutes ces interviews, en fait, ce sont des traductions de choses qui ont été reprises ailleurs, d'ailleurs des traductions des interviews de très bonne facture, franchement. Et puis la traduction, on voit que le gars, il s'est fait chier. Il s'est pas contenté de balancer ça dans DeepL ou dans Google Trad. Après ça, il y a eu de la révision, quoi. Ce qui fait que c'est quand même, ça se lit fort bien. En plus, il y a des belles photos comme tout, voilà. Je n'ai pas d'adresse à vous donner parce que, Schmeck, pour le trouver, c'est un peu compliqué. Et donc, vous pouvez toujours essayer de trouver No Country for Old Punk. Je pense que j'ai son adresse quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé. Là. Il ne l'a pas mise dans son paquet. Ouais, non, il y a rarement un moyen de contacter. Ouais, il a un blog qui s'appelle Le Fjord, le blog du Fjord, Fjord. C'est son surnom. Et puis voilà, donc ça, je vous le recommande, si vous voulez en savoir un peu plus sur les grands anciens et qui continuent d'exister, du garage, c'est No Country for Old Punk, numéro spécial garage. Et puis dans le paquet, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi... allez, je vais le passer maintenant. Il y avait aussi une démo en CD, nom de Dieu, ouais. à l'ancienne, Defen, c'est un groupe donc de Toulouse qui pratique un raw crust 10 bits, ma foi, fort bien, avec la grosse voix caverneuse quand même. Sur cette démo, ce CD, on trouve 12 titres. Il y a quand même des trucs qui dépassent 2 minutes. Moi, j'ai été fort étonné. Hein. Non, il y en a un qui dépasse 2 minutes, il fait 2,06. Pas mal. Voilà. Sur les 12 titres, il y a une reprise de Doom, Norwegian. Ouais. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à l'écouter. Ah oui, non, j'ai oublié de dire le titre de cette démo, c'est Hematophagus Parasites, des parasites buveurs de sang. Ouais. Ici, on connaît les buveurs de sang, hein, les buveurs de sang, quand on devait aller travailler dans les usines. Mais là, en fait, sur la pochette du CD, on voit la tête de pas mal de grands de ce monde, dont Millet, dont on parlait tout à l'heure en antenne, à propos du Chili, mais aussi Poutine, Macron, Trump, bien sûr. Enfin bref, tous les cons, là. Il y a quand même une nana pour assurer quand même la parité. Il y a l'italienne, la Meloni. Oui. Voilà. sur la pochette de Defen, on ne les entend pas dans le disque. Je devais donc pouvoir vous passer dès maintenant un premier extrait de Defen qui signifie assourdir. C'est reality. Voilà, Defen. Boum. Again. ouais, boum, Def Fun, je repasserai, ah, parce que c'est bien. Il y a une grosse voix, j'aime bien quand ça... comme ça. Et oui, j'ai oublié de dire que, en fait, le Steph qui joue de la guitare là-dedans et qui fait aussi No Country for All Punk, il était fort connu dans les années 80-90 dans le Nord-Pas-de-Calais et puis partout ailleurs dans le monde parce qu'il faisait partie d'un groupe super bien, Six Feet Over. Eh ouais, il était chanteur à l'époque. Ouais, voilà. C'est à moi. Alors du coup, moi je vais rester chez le label Lavidas Es Un Mousse pour parler du prochain disque. La semaine dernière, l'équipe de L'Ardente a pu vous parler de Homefront, mais il y a aussi une autre sortie en même temps, le deuxième album des Allemands d'Industrie, tout simplement nommé Industrie. Alors je dois avouer que j'ai pris le train en marche pour Industrie, pas mal de potes m'avaient déjà bien vendu leur première sortie ainsi que leur concert. J'étais resté assez distant de ce groupe et de la hype qu'il a pu susciter, comme souvent avec les groupes que sort ce label. J'ai peut-être eu tort. Non, on n'a jamais tort. Ouais, mais tu vas voir. J'ai peut-être eu tort quand même, puisque le groupe semble faire de l'anarcho-punk à Roland post-punk, ou l'inverse. Je saurais pas trop vous dire quel genre prédomine l'autre dans cette sortie. Je leur ai trouvé un côté plus anarcho au début. C'est peut-être juste mieux produit sur cet album. Un petit goût de pomme aussi, non ? Et quoi ? Un petit goût de pomme, non ? Ça va. C'est un pur son, à vrai dire. Du coup, oui, les jeux de tomes, la batterie, les dynamiques sur l'album, en règle générale, c'est millimétré. C'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude d'écouter, mais je dois avouer que ça m'a pas mal marqué. Donc on s'écoute la dernière piste de l'album, Western Dystopia. Sur Campus 106,6, émission Pyongyang sur Rocker, numéro 414. Fuck that. Un truc qu'il va falloir que j'écoute plus attentivement, parce que là, j'étais encore passé complètement à côté. Tu parlais de l'interview de la semaine dernière. Exactement. C'est Dame de l'Ardente. Et puis, on avait aussi annoncé le concert qui va avoir lieu donc samedi pour le Silicate Fest. Le Silicate, c'est samedi et dimanche au CAPV. Au Centre voilà. d'art plastique et visuel de Oisem. Ah, ouais, même de Lille. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça dure deux jours. Et puis, le samedi soir, il y a un petit concert au CCL, au Rien, avec Demain, Vacarme, Carios, Bingo Crépuscule, et puis un petit DJ set de l'EAC, de Derrière les Fagots. On avait juste fait une petite bêtise, on avait passé Vacarme, mais c'était pas le bon Vacarme. Ouais. C'était un Vacarme de Strasbourg, qui est au bien aussi, mais bon, c'était pas le bon. Pas le bon. Alors, il est temps de réparer cette lourde erreur que je prends sur mon dos, en passant un titre du vrai Vacarme, les Parisiens, qui vont nous parler de ce que c'est que ce huitième jour de la semaine. Tu connais ? Pas du tout. Bah, c'est celui qui est caché, mais que des fois on va occuper, parce que comme ça on a plus de temps pour nous. Mais il ne faut pas dire que ça existe. Hein. Voilà, huitième jour de la semaine par Vacarme. Je répète pour les gens qui n'auraient pas entendu, Silicate Fest, c'est sur deux jours, samedi et dimanche, qui arrive Silicate Fest numéro 3, le festival de l'image imprimée et de la micro-édition au CAPV à Oisem, 4 rue des Sarrasins. Et le soir, concert au CCL avec Demain, Vacarme, Carigos, Bingo Crépuscule et Léa C. En DJ set au CCL samedi à partir de samedi 22 à partir de 20h, prix libre, boum. Évidemment. Allez, pour moi, ce sera le moins noise punk des groupes de noise punk qui nous vient tout droit de Fresno en Californie, Tardif Dyskinesia. Et apparemment, il y a un autre groupe qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Non. Bah ouais, écoute, bah, et je dès qui est anglais, si j'ai cru bien comprendre, mais là. On va rester sur les Américains. Ils ont sorti un 6 pistes le 2 novembre 2025, encore quelque chose de bien récent, chez Rochelag Records, un label new-yorkais. Ça s'appelle Never Trust a Dream. Alors, je fais une petite aparté pour juste vous parler de Rochelag Records, qui a sorti trois autres trucs en fait cette semaine, à savoir le dernier Rigorous Institution, qu'on aura peut-être le temps de s'écouter. Gnostics, qui est une dinguerie, allez écouter, c'est vraiment du Amebix première génération, première heure, ça tue tout. Et ensuite, Sayon, S-A-Y-O-N, du punk hardcore espagnol. J'ai beaucoup apprécié ces sorties. Bref, Rochelag Records. Donc... Tardif Dyskinesia, c'est un projet qui fait pas trop l'unanimité autour de moi. J'ai bien l'impression d'être le seul à apprécier, mais je peux pas me tromper, ce sera bien. S'il fallait être dans la vérité la plus vraie, on parlait peut-être plus de raw punk. Bien que leurs influences soient partagées par nombre de projets noise punk, on peut penser à Disorder, Chaos UK, encore une fois. Bref, UK 82, noise punk, raw punk, ou tout simplement hardcore américain dans la veine de Nervous KD ou Suslow. J'aime beaucoup, il y a encore plus de riffs, de cris, de breaks et de flanger phaser que sur la démo. S'il vous plaît, le morceau Death de Tardif Dyskinesia. « J'aime beaucoup ce genre de bordel, mais pourquoi il y a des gens qui aiment pas ça, franchement, sérieux? Bah oui, bon. Écoute, peut-être que chez, bon. Dans mon entourage, ça aime quand c'est plus jusqu'au boutiste dans le noise punk, là c'est encore plus... Ouais. Plus calme peut-être. Ouais, il y a un côté années 80, c'est très c'est délicieusement suranné. Exactement. Voilà. Bon, et bah puisque c'est comme ça, je vais un peu calmer le jeu avec quelqu'un qui va passer au CCL ce vendredi. Il y aura non seulement Naked Nurses, Paul Parking, mais aussi Rose Azerty avec 4 R au début. Elle vient de Marseille, elle est toute seule pour taper sur des synthés et puis d'autres machins qui font du bruit. c'est tout. Je rappelle que Naked Nurses, on les aura en concert ici à Campus, en live Campus, ça sera vendredi 28 ou 29 ? Non, 28, c'est ça. Novembre, de 21h à minuit. Mais c'est pas Naked Nurses que je passe maintenant, c'est Rose Azerty, avec le titre que je ne trouve plus, si c'est Drowner. Ça y est, c'est le prochain qui a démarré. Mais non, c'est pas le prochain. C'était Rose Azerty pendant que nous étions en train de boire notre jupe au bar, tout en discutant joyeusement avec ses amis. Youpi. Vous écoutez Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers. Il est 20h47, encore 13 minutes à passer en la compagnie de Henry. Vous savez, il y a la lignée des groupes en 10, quelque chose, tous fans de Discharge. Et bah, Shit Control, Worship, Shit Lickers, mais aussi et surtout les débuts d'Anticimex. Ça peut sonner comme les deux premiers EP, Reptas, Anarchist Attack. On est très loin du rock'n'roll de Scandinavian Jawbreaker. En gros, c'est du 10 bits avec des relents métalliques dans les riffs un peu raw. Et ça peut plaire aux fans de la période Disbonds de Disclose. Donc... à partir de 2004, là, bref. La première sortie date de mai 2025, c'est sorti en cassette chez Bruce Tapes et Moslik, deux labels que je ne connais absolument pas. Ça s'appelle Ungliga Flusna ou Schlamslagna, ce qui veut dire affamé, gelé et paralysé. Et on va écouter la piste qui s'appelle Comme la sortie, au moins je massacre pas plus le suédois. Voilà, Shit Control. Ça peut pas être plus suédois. Enfin, si, c'est, si c'était plus suédois, ça serait japonais. Ouais, c'est ça. puisque c'est ainsi, je vous passe la dernière sortie de Dogmen, les Tournaisiens que l'on aime. C'est un album qui s'appelle All Men Must Die. La sortie numérique est prévue pour le 17 novembre, on est 19. Et pour l'instant, bah, y a toujours un seul titre disponible sur leur bandcamp et sur celui de Dirty Slap. Ouais. Mais bon, ça devrait arriver, je sais pas, genre ce soir, demain, après-demain, je ne sais rien. Michel est enregistré à Tournai et à Tourcoing. Ça sort en cassette, alors ça sort en sortie numérique, bien sûr, là, ces jours-ci. Sorti en cassette chez Dirty Slap, Yo-Yo Dine et Emergence Records. Et puis en vinyle, peut-être un peu plus tard, chez L'Honor Cult et Louis Pleur. Oh, oh. Ils seront à la Taverne Électrique à Amiens ce samedi avec je sais plus qui, mais pour l'instant, voici Dogmen avec donc la première écoute de ce qu'on peut avoir de leur album All Men Must Die. Le titre, c'est Bloodlines. We'll be right back. ils aiment bien que ça dure un peu. Hein. Ah ouais, non, mais 4 minutes, parfait. Ouais. Franchement, ils ont bien raison. En tout cas, en live, ça marche bien quand ils font des longs morceaux quand même. Et voilà. Enfin, moi, ça marche en tout cas, ça me déplaît pas. Mais de mon côté, moi, je vais rester dans le Worship Shitlickers. Allez, on est parti. Avec les Grecs de Peace Sniffers, celui-là, fallait l'avoir. C'est aussi sorti en mai 2025, mais cette fois-ci en mai. Ça a le son bien fuzzy héros de Shitlickers et des premiers Disclosed. L'album s'appelle Peace Sniffers, comme le groupe. Avant ça, il y a eu un split avec New Clickers, fallait aussi y penser, sur lequel on a le droit à deux covers de Shitlickers. Évidemment, donc on sait où on met les pieds. Concernant l'album, on est sur une pod compressée avec une batterie qui prend le dessus sur pas mal d'éléments par moment. Je compte vous passer le morceau où je dirais qu'il y a le moins de pattern 10 bits sur l'album. Un bon mid-tempo comme les groupes plus modernes aiment à le faire. Il y a plein de reverb sur la voix et un riffing un peu disclosien. Disclose, tout simplement. Le titre original est en grec. Je ne sais donc pas le lire, mais Stéphane sait le faire. Freaky. Ça se traduit par horreur. Vous pouvez retrouver le vinyle 12 pouces chez Chaos and Anticonformity Records. C'est parti pour Aurore de Freaky de Peace Sniffer. Avec Chelsea, Guns in Paradise. Quand ils commençaient à avoir des voix qui partaient vers le sirupeux. Même plus qu'à l'année, c'est je crois 80 ans, quelque chose. Bon, ouais. Pion Yankee Rockers numéro 414, c'est fini pour cette semaine. Merci Henri d'être venu. De rien, merci. Merci. Et ben on se retrouve la semaine prochaine avec encore plein d'invités ou pas, on sait pas. Et en attendant, n'hésitez pas à continuer d'écouter Radio Campus parce qu'il y a plein de trucs bien. Dans quelques secondes, ça sera JD et son Teeth Grinder. Et en attendant, on n'oublie pas. Akab.